souvenez-vous d'une plage d'un bal des mois d'août, de vous j'étais jaloux. Ah, vous souvenez-vous, j'attendais ne danser pas du tout, oui mais vous beaucoup. Vous souvenez-vous, j'ai osé vous inviter, puis ce fut l'instant si doux. Il m'a rendu fou, c'est sur le rock jour à jour, rappelez-vous. Dites-moi, vous s'en souvenez-vous? Vous souvenez-vous cette nuit, après minuit, sur la plage, au sable doux, tous deux allongés ciel étoilé, sans parler, pour mieux rêver. Dites-moi, vous en souvenez-vous, vous en souvenez-vous?